La solidarité pour le progrès de Corée du Sud a publié le 9 une déclaration titrée « Le projet sur la destitution de Bakouni vient d'être adopté, mais ce n'est que le commencement ». La déclaration affirme que l'adoption au Parlement du projet sur la destitution de Bakouni est la victoire de la lutte à la bougie et aussi de la lutte vigoureuse des ouvriers, paysans et pauvres, ainsi que des citoyens qui désirent la réunification pacifique pour l'arrêt de la révision de la loi sur le travail, la punition de l'auteur de l'homicide du paysan Peinamgi et la liquidation de la pauvreté. Ensuite, en soulignant que ce n'est que le commencement de la lutte pour la destitution de Bakouni, la déclaration indique que la solidarité continuera sa lutte pour la démission immédiate du pouvoir de Bak, la dissolution du Parti pour un nouveau monde et la destitution générale du cabinet, et aussi la liquidation totale des crimes commis pendant ces 4 dernières années, notamment la catastrophe du paquebot Sewol et l'homicide du paysan Peinamgi causé par le pouvoir. Par ailleurs, le quotidien de la population sud-coréenne a inséré le vite un éditorial titré « La Maison Bleue fait des mensonges comme elle respire ».